regarde les oiseaux s'en aller sur sa chaise, sans bouger. Son regard s'en va vers la liberté qu'un trapèze lui offrait. Lui qui chaque soir voltigeait de métier sous le grand chapiteau, dans un silence marqué par le monde bouche bée devant son numéro. Il était habile, à l'aise, à la hauteur, le grand trapéziste alors faisait fureur. Et comme par miracle, jamais il ne chutait dans les airs, il dansait. Il avait une classe du diable et narguait le parterre sans filet. Il était habile, à l'aise, la pesanteur, le grand trapéziste n'en avait pas peur. Sans bouger.